le sentiment profond de la détresse, où ses dépenses peu mesurées devaient nécessairement la jeter tôt ou tard, me fit une impression d'autant plus forte qu'étant devenu l'inspecteur de sa maison, je jugeais par moi-même de l'inégalité de la balance entre le « doit » et l'avoir. Je date de cette époque le penchant à l'avarice que je me suis toujours senti depuis ce temps-là. Je n'ai jamais été follement prodigue que par bourrasque. Mais, jusqu'alors, je ne m'étais jamais beaucoup inquiété si j'avais peu ou beaucoup d'argent. Je commençais à faire cette attention et à prendre du souci de ma bourse. Je devenais vilain par un motif très noble, car, en vérité, je ne songeais qu'à ménager à maman quelques ressources dans la catastrophe que je prévoyais. Je craignais que ses créanciers ne fissent saisir sa pension, qu'elle ne fût tout à fait supprimée, et je m'imaginais, selon mes vues étroites, que mon petit magot lui serait alors d'un grand secours. Mais, pour le faire, et surtout pour le conserver, il fallait me cacher d'elle, car il n'eût pas convenu, tandis qu'elle était aux expédients, qu'elle eût su que j'avais de l'argent mignon. J'allais donc cherchant, par-ci par-là, de petites caches où je fourrais quelques louis en dépôt, comptant augmenter ce dépôt sans cesse jusqu'au moment de le mettre à ses pieds. Mais j'étais si maladroit dans le choix de mes cachettes qu'elle les éventait toujours. Puis, pour m'apprendre qu'elle les avait trouvées, elle ôtait l'or que j'y avais mis et en mettait davantage à notre espèce. Je venais tout honteux rapporter à la bourse commune mon petit trésor, et jamais elle ne manquait de l'employer en nippes ou meubles à mon profit, comme épée d'argent, montre ou autre chose pareille.